tu te lèves sans aucun rêve en toi. Au loin la nuit s'achève et le soleil est déjà là. Je vois passer la vie sans pouvoir la retenir. Je te serre dans mes bras et pour la première fois redécouvrir la vie. Mouvement de symphonie, moment de poésie, pour un amour fantaisie, amant d'une nuit. Ce matin je me lève, j'ai encore rêvé de toi. Au loin la nuit s'achève et tu es déjà là pour découvrir ma vie. Mouvement de symphonie, moment de poésie, pour un amour fantaisie, amant d'une nuit. Je sens passer la vie la retenir. Je te serre dans mes bras et pour la première fois redécouvrir ma vie. Mouvement de symphonie, moment de poésie, pour un amour fantaisie, amant d'une symphonie, moment.